Chapitre 13e, les courses du printemps. Dans les premiers jours du printemps, Lucy Floyd vint rendre visite à sa cousine. Le bonheur qui régnait à Mellish Park fut pour elle un sujet d'étonnement. La pauvre Lucy avait compté trouver Aurora dans ce ménage du Yorkshire, estimée un peu mieux que les chiens et un peu plus que les chevaux. Aussi fut-elle énormément surprise de voir sa cousine exerçant le despotisme d'une souveraine capricieuse, dominée sans conteste ni contrôle sur toutes les créatures, bipèdes ou quadrupèdes existant dans l'étendue du domaine. Elle fut surprise de voir la brillante animation de sa joue, la vive gaieté qui étincelait dans ses yeux, d'entendre la légèreté de son pas, la joyeuse musique de son rire, de découvrir enfin qu'au lieu de pleurer sur les cendres éteintes de l'amour qu'elle avait éprouvé pour Talbot Bulstrode, Aurora avait appris à aimer son mari. Devons-nous avoir honte de notre héroïne, la blâmer d'avoir oublié le fiancé qui avait mis son orgueil et son amour-propre de famille entre lui et son affection, et ne l'avait aimé qu'avec réserve, quoique Dieu seul sache de quel amour il l'avait aimé? Y a-t-il lieu de rougir de cette pauvre jeune fille passionnée, parce que, dans l'amertume de son cœur, poussée par un sentiment de soulagement et de gratitude, elle avait cherché un refuge dans l'amour loyal de John, et avait appris à éprouver pour lui une affection capable de le récompenser au centuple de son long et pénible dévouement? Certes, il eût été impossible à toute femme douée d'un cœur franc et sincère de refuser pareille rémunération à un amour semblable à celui que John Mellish prodiguait à son épouse. Amour qui absorbait toutes ses pensées et se manifestait par toutes ses paroles, toutes ses actions et tous ses regards. Pouvait-elle donc ne jamais acquitter cette dette immense? Les cœurs comme celui de Mellish sont-ils si communs ici-bas? Est-ce peu de chose que d'être l'objet d'une affection si loyale et si pure? Pareille affection est-elle si souvent mise aux genoux d'une femme qu'elle doit mépriser et fouler aux pieds cette sainte offrande? Il l'avait aimée et qui plus est, il avait eu confiance en elle. Oui, il avait eu confiance en elle, au moment où l'homme qui l'aimait passionnément l'avait abandonnée dans le doute et le désespoir. La cause de cette diversité de conduite résidait dans la différence qui existait entre les deux hommes. Chez John Mellish, le sentiment de l'honneur était aussi élevé et aussi sévère que chez Talbot Bulstrode. Mais, tandis que le fier officier puisait sa force mentale dans les facultés réflectives, c'était par sa puissance de perception que l'intelligence du gentilhomme campagnard manifestait sa vivacité et sa pénétration. Talbot était devenu à moitié fou, à se figurer ce que ce pouvait être. John vit ce que c'était et il vit ou s'imagina voir que la femme qu'il aimait était digne de tout son amour, et il lui donna volontiers, librement, son repos et son honneur à garder. Il trouva sa récompense. Il trouva sa récompense dans la franche affection de sa femme et dans la délicieuse satisfaction de voir qu'elle était heureuse. Aucun nuage ne voilait son visage, aucune ombre n'assombrissait son existence. Mais la joie rayonnait sans cesse dans ses yeux. Un sourire inaltérable errait sans cesse sur ses lèvres. Elle était heureuse de la calme sécurité de son intérieur, dans cette forteresse agréable où elle était si bien protégée, si bien gardée par l'amour et le dévouement. Je ne sache pas qu'elle éprouva jamais un amour romanesque et enthousiaste pour son mari, mais ce que je sais, c'est que du moment qu'elle posa sa tête sur sa large poitrine, elle lui fut fidèle, fidèle comme doit l'être une épouse, fidèle dans toutes ses pensées, dans la moindre même de ses pensées. Son foyer domestique était entouré d'un gouffre profond, qui la séparait de tout autre homme au monde, et la laissait seule avec l'homme qu'elle avait accepté pour époux. Elle l'avait accepté dans le plus vrai et le plus pur sens du mot. Elle l'avait accepté de la main de Dieu comme le protecteur et le refuge de sa vie, et matin et soir, à genoux, elle remerciait le Créateur miséricordieux qui lui avait donné cet homme pour soutien. Après avoir exposé tout cela, je dois avouer que ce pauvre John Mellish était un mari diablement soumis. Ces gros gaillards fougueux sont nés pour être les sujets les plus endurants du royaume de Jupon. Ils portent les guirlandes de roses jusqu'à leur dernière heure, sans avoir conscience, dans leur sublime sérénité, que ces chaînes de fleurs ne sont pas faciles à briser. Un petit homme est entier, susceptible, toujours sur ses gardes contre la domination féminine. Tous les maris connus dans l'histoire comme des tyrans domestiques ont été des petits hommes. Mais qui pourrait jamais convaincre un gaillard de 6 pieds 2 pouces qu'il a peur de sa femme? Il se soumet à l'aimable tyran avec une calme et souriante résignation. Qu'importe, elle est si petite, si frêle. Il serait capable de briser ce faible poignet d'une seule étreinte de son pouce et de son index, et en attendant jusqu'à ce que les affaires aient pris une tournure désespérée et que de telles mesures soient devenues nécessaires, il vaut autant la laisser faire à sa tête. John Mellish ne débattait même pas ce point-là. Il l'aimait. Il se couchait par terre pour que ses pieds gracieux passassent sur lui. Tout ce qu'elle faisait ou disait lui paraissait charmant, séduisant, merveilleux. Si elle riait ou se moquait de lui, son rire était le son le plus doux, le plus harmonieux de la création. Et il était enchanté de penser que par ses absurdités, il pouvait provoquer une pareille musique. Si elle le sermonnait, elle s'élevait jusqu'à la sublimité d'une prêtresse, et il l'écoutait, et il l'adorait comme la plus noble des créatures. Avec tout cela, la dignité native de son caractère le garantissait de la moindre teinte de ce que, dans l'argot social, on a baptisé du nom de bonasserie. Cela seul qui le connaissait bien et l'observait de près était dans le cas de sonder toute la profondeur de sa faiblesse affectueuse. Les plus nobles sentiments ont, à peu de choses près, un caractère d'universalité, et cet amour de John était, sous un rapport, universel. C'était toutes les affections conjugales, paternelles, maternelles, fraternelles, confondues dans une seule affection complexe. Aurora lui inspirait la faiblesse orgueilleuse d'une mère. Il avait la folle vanité d'une mère pour l'être merveilleux, l'oiseau rare qu'il avait enlevé à son nid pour en faire son épouse. Si l'on adressait des compliments à Mrs. Mellish en présence de John, il se rengorgeait et souriait comme une écolière qui rougit des premières flatteries que lui fait un bel homme. Il assommait, j'en ai bien peur, les hommes de sa connaissance, à force de leur parler de sa femme, de son saut prodigieux par-dessus la grande haie, du plan qu'elle avait dessiné pour les nouvelles écuries, plan que l'architecte avait déclaré meilleur que tous ceux qu'il aurait pu donner, et par Dieu, un habile homme que cet architecte de Doncastre. De la façon surprenante dont elle avait découvert le défaut de la jambe de devant du poulain alezan, de l'esquisse qu'elle avait faite au crayon de son chien Bow-Wow. Sir Edwin Lancer aurait pu être fier d'une pareille vigueur de trait, monsieur. Les gentilshommes campagnards s'entendirent rabâcher toutes ces choses aux oreilles, au point qu'ils finirent sans doute par être quelque peu fatigués de tout ce que John répétait à propos de son épouse. Mais ils ne se lassèrent jamais d'Aurora en personne. Elle prit tout de suite place parmi eux, et ils s'inclinèrent devant elle. Ils l'adorèrent, enviant à John Mellish la possession d'une si belle pouliche de race, métaphore dont, je le crains, ils étaient hommes à se servir, mais sans avoir conscience de ce qu'ils disaient pour désigner ma belle héroïne. Le domaine où Aurora était souveraine était assez considérable. John Mellish avait hérité d'une propriété qui lui rapportait un revenu de 16 à 17 000 livres sterling par an. Des fermes situées au loin, s'étendant sur les vastes plaines du Yorkshire et les marécages du Lincolnshire, le reconnaissaient pour maître. Lui-même connaissait à peine les secrets compliqués de ses propriétés, auxquels personne peut-être n'était initié, sauf son régisseur et son homme d'affaires, grave personnage, qui habitait Doncastre, et arrivait dans sa voiture à peu près une fois tous les 15 jours à Mellish Park. Au grand effroi de son insouciant maître, pour qui les affaires étaient un affreux cauchemar. Non pas que je désire que le lecteur s'imagine un seul instant que John Mellish était une ganache au cerveau creux, n'ayant d'intelligence que pour ses plaisirs journaliers. Ce n'était ni un savant, ni un homme d'affaires, ni un profond politique, ni un érudit adonné à l'étude des sciences naturelles. Il y avait un observatoire au parc, mais John en avait fait un fumoir, dont les ouvertures, ménagées dans la toiture, présentaient une issue commode aux effluves des Chariots et des Havanes de ses convives. M. Mellish ne s'inquiétait guère des étoiles qu'à la façon de ce monarque assyrien qui se contentait de les contempler et de remercier le Créateur de les avoir faites si belles. Ce n'était pas non plus un spiritualiste. Malgré tout, ce n'était pas un fou. Il était doué de cette intelligence clairvoyante qui accompagne très souvent l'intégrité, la pureté d'intention et qui est la véritable intelligence, la plus capable de toutes de déjouer la lâcheté. Ce n'était pas un homme méprisable, car sa faiblesse même dénotait de l'énergie. Peut-être Aurora l'avait-elle compris, et trouvait-elle que c'était quelque chose que de dominer un tel homme. Quelquefois, dans un élan d'affectueuse gratitude, elle cachait sa belle tête sur la poitrine de John. Toute grande qu'elle était, elle était juste assez haute pour s'abriter, pour ainsi dire, sous son aile. Et elle lui disait qu'il était le plus cher et le meilleur des hommes, et que, quand même, elle l'aimerait jusqu'à l'heure de sa mort, jamais, jamais, au grand jamais, elle ne pourrait l'aimer moitié autant qu'il le méritait. Puis, à demi honteuse d'elle-même pour ses déclarations sentimentales, elle le raillait, le sermonnait et le tyrannisait tour à tour le reste de la journée. Lucie considérait cet état de choses dans un muet ébahissement. La femme qui avait été autrefois aimée de Talbot Bulstrode pouvait-elle en être venue à être l'heureuse épouse d'un blondin du Yorkshire, à concentrer ses plus chères ambitions dans la pouliche baie qui portait son nom, qui devait courir au cours du printemps à York, et était inscrite sur la liste des coursiers admis au prochain derby. À prendre intérêt à un galop plus ou moins vite, à des écuries neuves, à s'entretenir de créatures mystérieuses, mais évidemment d'une haute importance, désignées sous des noms tels que Scott, Faubert, Chiffney et Challoner, et ayant, selon toute apparence, complètement oublié qu'il existât sur Terre une divinité aux yeux gris, d'une expression indicible, et connue des mortels sous la qualité d'héritier des Bulstrode. La pauvre Lucie était bien près de perdre la tête, tant on la lui cassait journellement, à force de lui parler de cette pouliche baie, la sudite Aurora, à mesure qu'approchait l'époque des courses du printemps. Tous les matins, Aurora et John l'emmenaient la voir. Et tous deux, dans la vive anxiété que leur inspirait la santé de leur animal favori, l'examinaient, à chaque visite qu'ils lui faisaient, comme s'ils eussent compté que quelque merveilleuse transformation physique se fût accomplie pendant la nuit. Le box spacieux dans lequel la pouliche était logée était surveillé jour et nuit par un peloton de garçons d'écurie et d'amateurs. Et un jour, John Mellish alla jusqu'à plonger un verre dans le seau d'eau destiné à la pouliche baie Aurora pour s'assurer par lui-même si le liquide ne contenait pas de mélange nuisible. Car plus le grand jour approchait, plus il avait les nerfs agacés et redoutait pour sa pouliche quelques dangers secrets, quelques trames occultes de spéculateurs malveillants qui pouvaient en avoir entendu parler à Londres. Je crains bien que spéculateurs et parieurs ne se mettaient guère la tête à l'envers à propos de cette gracieuse cabale de 2 ans, bien qu'elle eût dans les veines du sang de Old Melbourne et de West Australian, sans rien dire de l'autre teinte aristocratique qu'elle tenait du côté maternel. Les méfiants gentlemen qui circulaient aux alentours de York et de Doncastre dans les premiers jours d'avril étaient beaucoup trop occupés des sujets que devaient envoyer aux courses Lord Glasgow, John Scott, Lord Zetland ou M. Mary et d'autres coureurs d'une égale distinction pour avoir le temps de rôder du côté de Mellish Park ou de jeter un coup d'œil dans cette prairie que le jeune homme avait fait entourer d'une haie de 8 pieds de haut pour la jouissance privée de la triomphatrice du derby en espérance. Lucie reconnaissait dans la pouliche la plus belle des créatures et affirmait qu'elle était bien faite pour gagner autant de coupes et de pièces de vaisselle plate qu'on pourrait en offrir dans les concours de chevaux. Mais elle était enchantée, une fois la visite quotidienne terminée, de se trouver parfaitement à l'abri de la portée de ses fameuses jambes de derrière, qui semblaient posséder la faculté d'être dans les 4 coins du box au même moment. Le premier jour des courses arriva, et trouva la moitié de la maison de Mellish installée à York. John et sa famille dans un hôtel près de l'endroit où l'on faisait les paris, et l'entraîneur, ses satellites et sa pouliche, dans une petite auberge proche du Knavesmere. Archibald Floyd fit de son mieux pour s'intéresser à l'événement qui préoccupait si vivement ses enfants. Mais il avouait franchement à sa petite nièce Lucie qu'il souhaitait cordialement que les courses fussent finies et qu'on eût prononcé sur les mairies de la pouliche baie. Elle avait noblement soutenu l'épreuve à ce que disait John. Elle n'avait pas gagné grâce à une ruade, il est vrai. Elle avait été effectivement battue jusqu'à un certain point. Mais elle avait montré une puissance d'arrêt qui promettait mieux pour l'avenir que la vélocité de tout coursier de 2 ans. Quand la cloche sonna le signal de sortir sur la piste, Aurora, son père et Lucie étaient placés au balcon, entourés d'une foule d'amis. Mrs. Mellish, un crayon à la main, inscrivait, dans sa surexcitation, toutes sortes de paris impossibles et en composait un carnet qu'on aurait dû conserver comme une curiosité dans les annales du sport. John allait et venait en bas dans l'enceinte, culbutant les petits enregistreurs de paris dans son agitation, s'élançant de ring à l'enceinte du pesage, et tournant autour du court opalo qui devait monter la pouliche d'un air aussi anxieux que si le jockey eût été un premier ministre. Et John, un père de famille, avec une demi-douzaine de fils ayant besoin de place du gouvernement. Je tremble en pensant au nombre boni, sous forme de billets de 5 livres, que John promit au garçon à la figure blême, à condition que l'enjeu, quelques petites choses montant à 60 livres environ, serait remporté où, je voudrais bien le savoir, par la pouliche baie Aurora. Si le jeune drôle n'avait pas appartenu à cette catégorie d'êtres surnaturels qui semblent nés avec un caractère que rien ne peut émouvoir et fait pour porter la soie pour le bien de leurs semblables, son cerveau eût certainement été bouleversé par la diversité des instructions contradictoires que John Mellish lui donna pendant le dernier quart d'heure critique. Mais ayant ce jour-là, de grand matin, reçu les ordres de l'entraîneur qui avait ajouté l'avis de ne pas se laisser embêter, synonyme dans le patois du pays de démonter, par tout ce que pourrait dire M. Mellish, le garçon au teint basané se promenait dans la calme sérénité de l'innocence, Il y a donné le jockey sur la terre, Dieu merci, et il se posa sur sa selle avec un pouls aussi égal que s'il fût monté dans un omnibus. Il y avait ce jour-là dans le stand des gens qui regardaient le visage d'Aurora Melish comme une vue aussi agréable que les pelouses unies du Knavesmuir ou les meilleurs coursiers du comté de York. S'oubliant entièrement elle-même dans son émotion, sa vivacité naturelle était surexcitée par l'animation de la scène qu'elle avait sous les yeux. Elle était plus charmante que d'ordinaire et Archibald Floyd la regardait avec un intérêt affectueux, mêlé de reconnaissance envers le ciel pour le bonheur de la destinée de sa fille et presque voisin de la douleur. Aurora était heureuse. Elle était heureuse, enfin, cette fille de sa chère Elisa, ce dépôt sacré à lui confié par la femme qu'il avait aimée. Elle était heureuse, à l'abri du danger. Et fort de cette conviction, il pouvait demain, s'il plaisait à Dieu, descendre avec résignation dans la tombe. Étrange pensée pour une arène de course encombrée de monde. Mais nos idées les plus graves ne nous viennent pas toujours dans les endroits graves. C'est souvent au milieu de la foule et de la confusion que nos âmes prennent leur essor le plus élevé et que les plus tristes souvenirs nous reviennent à l'esprit. Vous voyez un homme assis dans une salle de spectacle, le visage sérieux, distrait, nullement altéré par les émotions qu'éprouvent les personnes qui l'entourent. Peut-être pense-t-il à sa femme morte il y a 10 ans. Peut-être repasse-t-il dans sa mémoire des scènes de joie et de douleur dont le souvenir est loin d'être effacé. Peut-être, pendant que ses enfants rient du clown qui se démène sur la scène, se rappelle-t-il de cruelles paroles dont l'effet ne peut plus jamais être réparé sur la terre et des regards courroucés dont il lui sera tenu compte désormais dans les cieux. Peut-être réfléchit-il mélancoliquement à une banqueroute inévitable, à la ruine qui le menace. Dans son imagination, il assiste déjà à l'assemblée de ses créanciers, et sur le refus de son concordat, il songe à l'acide prussique. Et pendant ce temps-là, sa fille aînée pleure sur les aventures de Pauline Deschapelles. Ainsi, pendant qu'au-dessous les numéros défilaient, les jockeys se pesaient, et les parieurs poussaient des clameurs, Archibald Floyd, appuyé sur le large rebord du balcon de pierre et contemplant l'amphithéâtre verdoyant qui s'étendait au loin, pensait à sa défunte épouse qui lui avait laissé cette charmante fille. La pouliche Bay Aurora fut honteusement battue. Mrs. Melish devint blême de désespoir dès qu'elle vit la veste couleur d'ambre, la ceinture noire et la toque bleue se glisser en rampant hors de l'arène et le jockey tout pâle narguer les spectateurs. Il avait l'air de dire que l'on n'avait jamais entendu que la pouliche gagnerait, et que la défaite de ce jour-là n'était qu'une ruse adroitement combinée pour faire fortune ultérieurement. John Mellish, tant soit peu fait de parer des appointements, se glissa hors de l'enceinte pour aller cacher sa déconfiture. Mais Aurora laissa tomber son carnet et son crayon, et frappant du pied sur la pierre qui formait le plancher du balcon, dit à Lucie et au banquier que c'était une honte, et qu'il fallait que le jockey eût vendu la course, attendu qu'il était impossible que la pouliche ait été loyalement battue. Au moment où elle se retournait pour dire cela, ses joues étaient pourpres de colère, ses yeux lançaient des éclairs d'indignation près de fondre sur le premier venu qui se trouverait sur son chemin pour essuyer l'orage de son courroux. Tout à coup, elle aperçut un visage pâle et des yeux gris qui la regardaient fixement par une fenêtre ouverte à 2 ou 3 pas d'elle. Et un instant après, elle et son père avaient reconnu Talbot Bulstrode. Le jeune homme vit qu'il était reconnu et il s'approcha d'eux, le chapeau à la main, pâle, très pâle, tel que Lucie le voyait toujours dans ses souvenirs, et d'une voix tremblante, il souhaita le bonjour au banquier et aux deux dames. Et ce fut ainsi que se revirent les deux êtres qui s'étaient quittés dans le silence et dans les larmes, le cœur plus qu'à demi brisé, pour être séparés, comme il le pensait alors, pour l'éternité. Ce fut ainsi, dans cette grande arène banale, prosaïque, où le droit d'entrée était d'une demi-guinée, que la destinée les mit encore une fois en face l'un de l'autre. Un an auparavant, et bien des fois, par une belle soirée de printemps, Aurora Floyd s'était représenté la possibilité de se retrouver avec Talbot Bulstrode. Il la rencontrerait tout à coup par hasard, par un calme clair de lune, et elle s'évanouirait et mourrait à ses pieds sous le poids d'une émotion trop forte pour qu'elle pût la supporter. Ou bien leur rencontre aurait lieu dans une réunion nombreuse, dans un moment où elle danserait, riant d'un sourire indifférent, se livrant aux ébats d'une joie feinte. Et il suffirait d'un seul regard de ses yeux pour la foudroyer dans la pompe empruntée de ses bijoux et de ses atours. Que de fois, oui, que de fois, elle avait joué cette scène et avait ressenti la douleur que la réalité lui aurait fait éprouver. Il n'y a qu'un an, moins d'un an, nous pouvons même n'en pas faire remonter la date plus loin que cette journée embaumée du mois de septembre au château d'Arc, où, étendue sur un tertre de gazon, elle regardait le charmant paysage normand qui s'étendait à ses pieds, ayant le fidèle John à ses côtés, pendant que les chèvres apprivoisées broutaient l'herbe derrière elle, et que des enfants d'une espièglerie surnaturelle tourmentaient les doux et patients animaux. Et aujourd'hui, elle le revoyait dans une circonstance où elle avait l'esprit tellement absorbé par le coursier qui venait d'essuyer un échec, qu'elle savait à peine que dire à son ancien amant. Aurora Floyd était morte et enterrée, et Aurora Mellish, regardant Talbot Bulstrode d'un air inquiet, se demandait avec surprise comment on n'avait jamais pu s'approcher si près des portes de la mort pour l'amour de lui. Ce fut Talbot qui pallia à cette rencontre imprévue. Ce fut Talbot dont la voix trembla en prononçant les quelques syllabes banales que la politesse ordinaire exigeait de lui. Le capitaine n'avait pas appris si facilement à oublier. Il était plus âgé qu'Aurora. Il avait atteint 32 ans sans avoir jamais aimé. Et ce n'avait été que pour être plus cruellement attaqué par la fatale maladie lorsque son tour fut venu. Cette rencontre soudaine le faisait vivement souffrir. Blessé dans son amour-propre par la calme indifférence de la jeune femme, ébloui comme de plus belle par sa beauté, fou et furieux de jalousie à la pensée de l'avoir perdue, le capitaine Bulstrode n'était pas dans une situation d'esprit digne d'envy. Et si jamais Aurora avait souhaité se venger de la cruelle scène dont Felden Woods avait été le théâtre, l'heure de sa vengeance était très certainement venue. Mais c'était une créature trop généreuse pour avoir nourri une pareille pensée. Elle s'était soumise en toute humilité à la volonté de Talbot. Elle avait accepté sa décision et avait cru à sa justice. Et aujourd'hui, l'agitation à laquelle elle se voyait en proie lui faisait de la peine. Elle ressentait pour lui une tendre et digne compassion, telle qu'une honnête femme, dans le sur-refuge d'un intérieur de famille heureux, pouvait avoir le privilège d'en éprouver pour ce pauvre voyageur errant encore sur l'océan troublé de la vie. L'amour et le souvenir de l'amour doivent, en effet, s'être effacés avant que nous éprouvions un sentiment de ce genre. Il faut que la terrible passion soit morte de cette mort lente et certaine, à la suite de laquelle aucun spectre ne sort du tombeau pour venir tourmenter les survivants. C'était et ce n'est plus. Aurora aurait pu faire un naufrage, être jetée sur une île déserte avec Talbot Bulstrode et vivre 10 ans en sa société, qu'elle n'eût jamais, pas même l'espace de 10 secondes, éprouvé ce qu'elle avait éprouvé pour lui autrefois. Pour ces natures fougueuses et impressionnables, qui vivent vite, une année en vaut quelquefois 20. Aurora revoyait donc Talbot Bulstrode à travers un abîme qui les séparait comme d'une distance de plusieurs milles, et elle en était à se demander si réellement ils n'avaient jamais marché côte à côte, unis par l'espérance et l'amour à une époque déjà éloignée. Tandis qu'Aurora pensait à ces choses, et un peu aussi à la pouliche baie, et tandis que Talbot, à demi suffoqué par 1000 émotions confuses, essayait de paraître parfaitement à son aise, John Mellish, les idées rafraîchies grâce à une bouteille de bière, vint tout à coup rejoindre la société et accosta le capitaine en lui frappant sur l'épaule. Il n'était pas jaloux, cet heureux John. Sûr de l'amour et de la fidélité de sa femme, il était prêt à se trouver en face de ses anciens admirateurs, fussent-ils assez nombreux pour former un régiment. Et même l'idée de venger Aurora sur la personne de ce craintif aimant lui causait plutôt du plaisir. Talbot regardait involontairement la brigade des constables de York sur le champ de course situé à ses pieds, en se demandant comment ces gens agiraient s'ils jetaient John Mellish par-dessus le balcon de pierre et commettaient un meurtre séance tenante. Telle était sa pensée au moment où John lui démanchait la main à force de la lui serrer dans une étreinte cordiale. Elle lui demandait quel bon hasard l'avait amené aux courses du printemps de York. Talbot expliqua en balbutiant quelque peu que, se trouvant fatigué par ses travaux parlementaires, il était venu passer quelques jours avec un vieux compagnon d'armes, le capitaine Hunter, qui possédait une maison de campagne entre York et Leeds. M. Mellish répondit que rien ne pouvait être plus heureux que cela. Il connaissait bien Hunter. Il fallait que tous les deux vinssent dîner ce jour-là chez lui, et que Talbot passât une semaine à Mellish Park quand il quitterait la maison du capitaine. Talbot murmura quelques vagues protestations pour faire valoir l'impossibilité de satisfaire à cette invitation. Mais John n'y prêta pas la moindre attention et entraîna son rival d'auprès des dames dans son empressement à retourner dans le cercle des paris où il avait à achever son carnet pour la prochaine course. Ainsi, le capitaine Bulstrode s'était éloigné encore une fois, et durant toute cette courte entrevue, personne n'avait pris soin d'observer Lucy Floyd, qui avait passé tour à tour du pâle au rouge une demi-douzaine de fois pendant les 10 dernières minutes. John et Talbot revinrent après la course avec le capitaine Hunter, que l'on fit monter sur la plateforme pour être présenté à Aurora, et qui entra immédiatement dans une discussion fort animée sur les courses de la journée. Comme le capitaine Bulstrode abhorrait ce futile bavardage à propos de chevaux, ce jargon perpétuel, le même dans toutes les bouches, depuis les lèvres roses d'Aurora, courbées gracieusement comme l'arc de l'amour, jusqu'aux lèvres souillées de tabac des enregistreurs de Paris qui encombraient la reine. Dieu merci, elle n'était pas sa femme, cette femme qui connaissait tout l'argot des champs de course, et qui, la lorgnette à la main, allongeait son coude de cygne pour suivre la marche du vent dans le Knavesmere, et apercevoir le cheval qui était en avant d'une demi-longueur. Pourquoi avait-il consenti à venir dans ce maudit comté envahi par les courses de chevaux? Pourquoi avait-il quitté les mineurs du pays de Cornouailles, ne fût-ce même que pour une semaine? Il eût mieux valu se fatiguer la cervelle sur des pamphlets de Dryden et sur les documents parlementaires que d'être là, isolé, ennuyé au milieu de cette multitude criarde de gens à esprit creux qui n'ont rien à faire qu'à jeter leur chapeau en l'air et à pousser des rois en l'honneur du premier venu, vainqueur dans n'importe quelle course. Talbot, comme spectateur, ne pouvait s'empêcher de remarquer cela et d'en tirer jusqu'à un certain point quelques conséquences philosophiques sur la vie. Il voyait que c'était toujours les mêmes clameurs ou la même allégresse parmi la foule, que le jockey vainqueur portait une ceinture bleue ou noire, une toque noire ou jaune ou blanche, relevée d'écarlate ou de toute autre couleur, fût-il même tristement vêtu de deuil. Et il ne pouvait s'empêcher de se demander comment cela avait lieu. Les spéculateurs peu chanceux couraient-ils se cacher pendant que les voix exaltées poussaient des cris de joie? Alors que la voûte céleste retentissait du nom de Cataractus et de Kettledrum, où étaient les individus qui avaient soutenu Dundee et Buckstone sans fléchir jusqu'à la chute du drapeau et du tintement de la cloche? Lorsque Thormanby est entré d'un bond, où étaient les pauvres diables dont le sort dépendait de Yankee et de Wizard? Ils n'avaient plus de voix, les malheureux. Ils se retiraient lentement à l'écart, la figure pâle et tirée, pour se rassembler en groupe et s'expliquer les uns aux autres, dans un jargon d'écurie entremêlé de jurons, comment la chose aurait dû ne pas être et n'aurait jamais pu être, sans le concours imprévu et anormal d'événements qui ne s'étaient jamais vus sur aucun champ de course en ce monde. Comme les perdants, sauf on peut voir dans aucune des grandes courses qui ont lieu ici-bas. Talbot Bulstrode, appuyé, les bras croisés sur la balustrade de pierre, regardait la scène animée qui se passait devant lui et pensait à tout cela. Pardonnez-lui de se laisser aller à d'affreuses platitudes, à des sentimentalités usées. C'était un homme désolé, irrésolu, sans but dans la vie. Il avait perdu à l'enjeu matrimonial. Il était aigri par le désappointement, exaspéré par le doute et le soupçon. Il avait passé les ennuyeux mois de l'hiver sur le continent, n'ayant nullement l'esprit de retourner à Bulstrode pour y retrouver l'affection de sa mère et le babil de sa cousine Constance Trevelyan. Il était assez injuste pour nourrir une secrète aversion contre cette jeune fille pour le service qu'elle lui avait rendu en lui révélant l'escapade d'Aurora. Sommes-nous jamais réellement reconnaissants envers les gens qui nous apprennent l'iniquité de ceux que nous aimons? Sommes-nous jamais réellement justes à l'égard des êtres bienveillants qui nous préviennent amicalement du danger que nous courons? Non. Jamais, nous les haïssons, nous les regardons toujours involontairement comme la première cause de nos tourments. Nous nous répétons toujours que s'ils s'étaient tus, ces tourments n'eussent nécessairement jamais eu lieu. Nous sommes toujours prêts à nous écrier dans une folle rage qu'il vaut mieux être complètement trompés que de savoir que nous ne le sommes même qu'un peu. Quand le calomniateur verse d'un air amical ses insinuations empoisonnées dans l'oreille du pauvre Othello, ce n'est pas Mrs. Desdemone, mais Iago lui-même, que le noble mort songe tout d'abord à étrangler. La pauvre et innocente Constance Trevelyan, eût-elle été un simple chien de race, elle aurait plus de chance qu'elle n'en avait alors d'attirer l'attention de Talbot. Pourquoi était-il venu dans le Yorkshire? Permettez-moi de laisser cette question sans réponse pour le moment, car j'ai honte de développer les raisons qui avaient fait agir ce malheureux. Il était venu, dans un accès de curiosité, pour apprendre quel genre de vie Aurora menait avec son mari John Mellish. Il avait souffert d'horribles tortures, tantôt en se la représentant comme la plus méprisable des coquettes, prête à épouser le premier homme ayant de beaux domaines et une bonne position à lui offrir. Tantôt, se la peignant comme une Iphigénie vêtue de blanc, conduite comme une faible et docile victime à l'autel du sacrifice. Aussi, quand, ayant par hasard fait à l'United Service Club la rencontre de son aimable compagnon d'armes, il avait consenti à partir sans retard pour la maison de campagne du capitaine Hunter pendant un court répit des travaux du Parlement, l'adroit hypocrite ne s'était jamais avoué qu'il brûlait d'apprendre des nouvelles de ses félonnes et volages amours, et que c'était quelque vapeur encore fermentante de son ancienne ivresse qui le ramenait dans le Yorkshire. Mais maintenant qu'il la revoyait, cette créature abominable et sans cœur, radieuse et heureuse, heureuse d'un bonheur qui n'était que feinte, d'un éclat fiévreux qui n'était qu'imposture sans doute, mais trop bien endossée pour lui être tout à fait agréable à lui, maintenant il la connaissait. Il apprenait enfin à la connaître, la vile enchanteresse, la sirène sans âme. Il savait qu'elle ne l'avait jamais aimé, que naturellement elle n'était pas douée de la faculté d'aimer, qu'elle n'était bonne à rien qu'à montrer ses bras blancs et à faire jaillir le sombre feu de ses prunelles pour la damnation de la faiblesse de l'homme, qu'elle n'était capable de rien que de flotter dans sa beauté sur les vagues qui recouvraient les eaux blanchies de ses victimes. Pauvre John Mellish! Talbot se reprochait sa dureté de cœur, qui lui inspirait un sentiment de dépit contre un homme qui était si profondément à plaindre. Après que la course fut terminée, le capitaine Bulstrode se retourna et aperçut l'enchanteresse aux yeux noirs au milieu d'un groupe formé autour d'un grave patriarche à cheveux gris et ayant le maintien d'un homme habitué au commandement. Ce grave patriarche, c'était John Pastern. J'écris son nom avec respect, de même que chacun le répétait tout bas en cet endroit. Enfin, quand ce nom eut passé de bouche en bouche, tous les assistants surent qu'un grand homme se trouvait parmi eux. C'était un vieillard, bien tranquille, sans prétention, assis entre deux femmes, sa femme et sa fille, je pense, froid, posé, grave, tandis que son nom faisait les frais des conversations dans la foule rassemblée autour de lui, et que des milliers d'individus mettaient leur confiance dans sa subtilité et sa pénétration. Quelles paroles précieuses auraient pu tomber de ses lèvres d'oracle si le vieillard eût bien voulu les prononcer? Combien de centaines de livres eussent été volontiers pariés pour un mot, un regard, un geste, un clin d'œil, rien qu'un plissement significatif des lèvres de ce grand homme? Que vaut, près d'une vérité comme celle-là, la fable de la jeune femme de la bouche de laquelle sortaient des perles et des diamants lorsqu'elle parlait? Ils devraient être d'une belle grosseur, les diamants et les perles, qui vaudraient les secrets des écuries de Richmond, les secrets que pourrait divulguer M. Pastern s'il le voulait. Peut-être est-ce cette conviction qui lui donne une gravité de manière si calme, si sereine, presque cléricale. On l'approche, on le flatte, on lui dit que tel ou tel cheval sorti de ses écuries a gagné ou paraît sûr de gagner, et il fait de la tête un signe complaisant pour remercier de ce bienveillant enseignement. Et pendant ce temps-là, peut-être, ses pensées sont bien loin sur les dunes d'Epsom ou dans les plaines de Newmarket. Il rêve à remporter les prix des derbies et des 2000 à venir avec des poulains n'ayant encore jamais couru. John Mellish est sur le pied de l'intimité avec le grand homme auquel il présente Aurora et à qui il demande avis sur un sujet qui le tracasse depuis quelque temps. Son entraîneur perd sa santé et a besoin d'aide à l'écurie. L'assistance d'un homme plus jeune, honnête et capable, lui est indispensable. Monsieur Pastern connaît-il un garçon qui puisse remplir ces conditions? Le vieillard, après mûre réflexion, lui dit qu'il connaît un homme honnête, à ce qu'il croit, par le temps qui court, qui a été autrefois employé aux écuries de Richmond, et qui lui a écrit quelques jours seulement auparavant pour le prier de lui chercher une place. « Mais le nom de ce jeune homme est sorti de ma mémoire, » ajoute M. Pastern. « Ce n'était encore qu'un petit garçon quand il était chez moi. Mais Dieu garde mon âme, il y a de cela 10 ans. Je vais regarder sa lettre en rentrant à la maison et je vous écrirai. » Je le sais capable, je le crois honnête, et je m'estimerai trop heureux, dit bravement le vieux gentleman en terminant, de faire quelque chose pour obliger Mrs. Mellish.